tous et à toutes, j'espère que vous allez très bien à l'écoute de Radioactive en ce mercredi et en cette belle fin d'après-midi. On revient avec un nouveau numéro de l'émission Cinémania qui vous fait faire le tour de l'actu ciné en Indre-et-Loire. Et comme à notre habitude, on commence par les sorties de la semaine et les sorties francophones avec à l'affiche le film Colloque de choc réalisé par la cinéaste Élodie Lélu. Au casting, on retrouve quelques grands noms, notamment Olivier Gourmet, Hélène Vincent, mais aussi Fantine Erduin dans son premier rôle. On y suit Manon, une jeune fille de 16 ans, un peu introvertie et discrète, qui va devoir cohabiter avec sa grand-mère Yvonne, ancienne militante féministe atteinte d'Alzheimer. La situation va vraiment devenir corsée quand Yvonne va commencer à confondre Manon avec sa propre fille décédée il y a plusieurs années. Le film est à retrouver au CGR Centre. Côté sortie internationale, on a d'abord du gros blockbuster au programme de la semaine avec le dernier film du champion de l'action, George Miller, qui revient avec Furiosa, qui retrace la jeunesse du personnage de Furiosa, issu de la saga Mad Max. Au casting, que des stars, avec notamment Anya Taylor-Joy et Chris Hemsworth. De quoi voir plein de courses-poursuites de voitures et des explosions, ainsi que des kilomètres et des kilomètres de désert. Tout de suite, un extrait de la bande-annonce. Quand j'étais enfant, mon monde a basculé. Ma mère était prodigieuse. Et lui, il m'a tout pris. À qui avons-nous l'honneur? Elle vient d'une terre d'abondance. Voici notre destinée. Il m'a pris mon enfance. Ma mère. Je veux qu'on me les rende. Je veux qu'on me les rende! Fais ce que tu dois faire. Prends le temps que ça prendra. Mais jure-moi que tu reviendras à la maison. Protège la terre verte. Nous attendrons ce qui nous revient de droit! À vos marques! Il n'y a aucun espoir! Si tu le trouves, il est à moi. Il y a toujours eu des guerres. Mais pour retrouver les siens, Furiosa osa défier le monde. Souviens de moi. Toujours du côté des sorties internationales de la semaine, on peut également découvrir le film mexicain Heroico programmé au cinéma Les Studios. C'est le réalisateur David Zonana qui porte ce film. On y suit le parcours du jeune Luis, qui s'engage dans l'armée à 18 ans, afin d'obtenir une assurance maladie pour payer les soins médicaux de sa mère malade. Mais très vite, notre héros va se rendre compte de la violence du système militaire et de l'impact que ce dernier peut avoir sur lui et sur son développement. Finalement, à l'affiche de la semaine, un documentaire du cinéaste iranien Mehrad Tamadon, nommé « Là où Dieu n'est pas ». Dans son nouveau film sur son pays d'origine, l'Iran, le réalisateur s'intéresse au système carcéral du pays et à sa violence, en se penchant notamment sur les gardiens de prison, qui font de ces espaces un enfer pour tous les détenus. On passe maintenant aux avant-premières de la semaine avec une seule, oui, cette semaine c'est pas très riche, hein, avec le film Abigail, le film d'horreur, un peu thriller, qui reprend un peu le mythe de Dracula et le modernise. Son avant-première se fera au CGR Centre ce vendredi 24 mai à partir de 19h45 et le film sera proposé en version originale sous-titrée. Et finalement, côté événements cinéma de la semaine. Dès ce soir, on retrouve des événements dans les cinés de la métropole avec une séance rencontre au studio de Tours autour du film documentaire Modèle animal, projeté à partir de 19h45 et en présence de ses deux réalisateurs, Marceau Boré et Maude Frève. Toujours dans les événements de la semaine, ce jeudi, on retrouve une soirée opéra au CGR Centre avec la projection de Don Quichotte qui sera en réalité une retransmission d'une performance de l'Opéra de Paris. Ça commence à partir de 19h15. Toujours ce jeudi soir, mais du côté des studios cette fois-ci, on retrouve une nouvelle soirée ciné-débat avec le CNP qui tourne cette semaine autour de la thématique l'eau, les sols vivants et l'activité humaine. Lors de cette soirée, qui débutera à 19h45, vous pourrez visionner le documentaire « Paysans du ciel à la terre » de Hervé Payen, puis vous pourrez échanger avec Sébastien Salvador Blane, maître de conférence en pédologie à l'Université de Tours. Il est donc spécialiste des sols et des compositions chimiques de ces sols. Et toujours au studio ce vendredi 24 mai, à partir de 19h, on pourra assister à une soirée carte blanche pour l'association Passerelle Ciné, qui apporte le cinéma là où il n'est pas, notamment dans les quartiers auprès des populations les plus précaires. Pendant cette soirée, vous pourrez donc en apprendre plus sur l'association et ses actions sur le territoire local. Et l'entrée à cette soirée est libre. Cette semaine toujours, les studios nous proposent aussi pas mal de séances spéciales autour de films cultes, avec notamment la diffusion samedi après-midi du film de 1931, Frankenstein, réalisé par James Whale. Le film sera projeté à partir de 17h30. Dans les séances spéciales de la semaine proposées par les studios de Tours, on retrouve également le classique Dracula de Francis Ford Coppola, sorti en 1992. Vous pourrez donc découvrir ou redécouvrir ce film samedi soir à partir de 19h et en version originale sous-titrée. La séance sera suivie d'un quiz autour des vampires au cinéma dans la bibliothèque des studios. Et sinon, comme chaque semaine, les studios vous proposent également une rétrospective de la Cinémathèque, et c'est toujours le lundi soir à partir de 19h30. Cette semaine, ça tournera autour du film Les Chariots de Feu qui seront projetés en version originale sous-titrée. Et finalement, on clôture les événements de la semaine avec une nouvelle soirée culte proposée par les CGR de Tours. Ça aura lieu mercredi prochain à partir de 20h et ce sera autour du grand classique Le Dîner de Cons de Francis Weber, avec notamment au casting Thierry Lhermitte. Et tout de suite, on vous propose quelques petits extraits. La tour Eiffel, entièrement faite avec des allumettes, 346 422 exactement. C'est vous qui avez fait ça? C'est une de mes plus belles pièces. J'en tiens. Comment est-il? Un champion du monde. J'ai un de ces tracks, moi. Laquelle? C'est pas vrai. Tu l'as invité ici? Je voulais l'étudier un peu avant de l'emmener dîner. Tu vas voir, il paraît qu'il est fabuleux. Allez, bonne soirée. Et tâchez d'être brillant, hein. Le temps ne fait rien à l'affaire quand on est con. Un dîner de con. Vous ne connaissez peut-être pas le principe. Chaque invité amène un con. Oui, oui, il est là, oui. Il a une belle tête de vainqueur. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père quand on est con. Il s'appelle juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom. Je viens de vous le dire, juste Leblanc. Leblanc, c'est son nom et c'est juste son prénom. Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste? Oui. Eh bien, lui, c'est pareil, c'est juste. Quand on est con, on est con. On a assez perdu de temps comme ça. Quand on est 20 ans, qu'on soit grand-père. C'est pas vrai, c'est le con de ton dîner. J'en peux plus, juste, j'en peux plus. Ou plus de controverses qu'on caduque. Oh, le con! Oh, le con! Il est con, là. La dernière averse, vieux con des neiges d'antan. C'est vous qui deviez dîner avec lui ce soir? Oui, comment le savez-vous? Il vous a parlé de moi? Oui, mais même sans ça, je vous aurais reconnu. Vieux con des neiges d'antan. Voilà, c'est tout pour ce nouveau numéro de Cinémania sur Radioactive. J'espère qu'il vous a plu. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles émissions. Et en attendant, je vous souhaite une très belle fin de journée à l'écoute de nos programmes.